5.2. Oral comprehension. Phase 1. Look at the pictures and repeat the phrases you hear. 1. Il faut donner une famille à la jeune fille. Ça, c'est la famille de Mireille. 2. Mireille va avoir un père. Voilà le père de Mireille. 3. Mireille va avoir une mère aussi, bien sûr. Ça, c'est la mère de Mireille. 4. Mireille a deux sœurs, une sœur plus âgée et une sœur plus jeune. 5. Robert n'a pas de frère et il n'a pas de sœur non plus, il est fils unique. 2. Look at pictures 1 through 5. You will hear phrases identified by the letters A through E. Write the letter of each phrase under the picture to which it corresponds. Example. You hear, Ah, la jeune fille va avoir une famille. You write A under picture 1. B. Mireille a deux sœurs. Une sœur plus âgée, Cécile, et une sœur plus jeune, Marie-Laure. C. Mireille a un père. Ça, c'est le père de Mireille. D. Ah, Mireille a une mère, c'est évident. La voilà. Voilà la mère de Mireille. E. Robert est fils unique. Il n'a pas de frère et il n'a pas de sœur non plus.